Eh bien oui, chers auditeurs, habituez-vous à cette petite musique qu'on entend derrière parce que c'est la gang du temps d'une pinte qui sont venus nous voir, nos heureux commanditaires. Je vais les présenter, mais je vais les laisser aussi se présenter. Je reçois Alex et Gustavo du temps d'une pinte. Salut, messieurs. Salut. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Pas eu trop de difficultés à trouver le studio? Non, ah, c'est vrai, je t'avais montré quoi, ouais. C'est vrai. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « OK, c'est compliqué ». Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est une belle nouvelle collaboration avec Le Temps d'une pinte. De quoi qu'est-ce qui va se passer les jeudis, Alex? Ben, dans le fond, l'idée était simple, c'était de faire des topos sur la bière où qu'on va parler un petit peu de culture de la bière, de l'histoire, des différents styles, des brasseries au Québec. Qu'est-ce qui se brasse au Québec? Qu'est-ce qui se passe en Mauricie? Puis moi, je vais être là toutes les semaines, puis je vais inviter des personnalités du monde de la bière. Cette semaine, c'est Gustavo qui est notre brasseur au temps d'une pinte, brasseur et propriétaire, avec moi, Laurent Lagagnère et Alain Rivard. Et puis, cette semaine, on a décidé de vous parler en partant des bières fortes, les Winter Warmer, que disent les anglophones. C'est des bières qui réchauffent l'hiver. Parce ben, c'est que, le temps, là, avec hein? le temps frais, on est dedans. Puis on commence avec ça. On veut pas que c'est un truc qu'on exploite un petit peu au temps d'une pinte. On en fait des bières fortes. On fait de toutes sortes aussi. On fait des petites sessionnelles qui seront le sujet d'une autre chronique. Mais on commence avec ceux-là parce qu'on trouvait que c'était approprié avec les petits froids qui commencent. Génial. J'ai débouché ma bière, là, puis ça, il m'a monté des flavours dans le nez. J'étais heureux. Salut, Gustavo. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Yes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Alex? Toi, tu t'es fait une petite présentation. Gustavo. OK. Je suis Gustavo Nevarez. Oui. Pour mon accent bizarre, je suis originaire de l'Argentine. Très bel accent, moi, je vous dirais. Pas bizarre. J'ai étudié œnologie à l'école. Et après, j'ai étudié brassage de bière, mais pas tout de suite. Je me spécialisais dans le brassage de la bière après, perception sensorielle des défauts. Mais mes études originelles sont en philosophie. OK. Quand j'étais à l'université de Sherbrooke, et il existait là un coopérative de brassage. Oui. Où j'ai trouvé que ça que j'ai utilisé toujours comme mon hobby, même que j'ai étudié beaucoup dans le domaine de la bière, j'ai utilisé toujours comme un hobby, jamais comme une question commerciale. Et la participation là entre des gens de sciences de l'alimentation, des gens de génie chimique, et tout ça, et ces collaborations m'ont fait évoluer beaucoup dans ce métier-là. Et finalement, presque un tiers des étudiants-là ont développé sa propre microbrasserie. Il m'a manqué la mienne. Et j'ai commencé mon plan d'affaires. Et quand j'étais à la moitié de mon plan d'affaires, j'ai rencontré Alex. Alors, on a début d'une belle collaboration. Oui, on a fait une belle collaboration. Il m'a convaincu de venir ici à Trois-Rivières. J'aime beaucoup ici. Vous n'êtes pas déçu? Non, pas du tout. Je pense même que Gustavo parlait parce que quand il est arrivé à Sherbrooke, il a refait sa maîtrise en philosophie. Je pense qu'il parlait de la refaire une troisième fois à l'UQTR. Là, c'est vraiment un triple intellectuel. Oui, mais tu sais, ça va tout ensemble, ça. Hein? L'alcool et puis apprendre des choses, c'est merveilleux. Ah, absolument. Et puis, sinon? Ben, dans le fond, aujourd'hui, on commence. Je voulais vous parler d'abord de la culture des bières fortes au Québec. Pourquoi qu'on aime ça autant, les bières fortes? Nous autres, on a apporté aujourd'hui l'Enclume, qui est notre porter baltique. Donc, je vous parlerai un peu de ce style-là au cours de la chronique. Les bières fortes au Québec, on aime ça, puis on en veut. Puis il y a une bonne raison, c'est qu'on a deux grandes influences dans notre histoire qui ont été, a priori, la Belgique et le nord de la France, donc avec des Normands, des gens du sud de la Belgique. Et puis, on a eu, par la suite, les Anglais. Donc, c'est deux pays où on retrouve beaucoup de styles de bière fortes. Parce que, probablement parce qu'ils ont un climat qui ressemble au nôtre. Assez froid quand même, assez humide. Ouais. Fait, c'est des bières qui sont bues plus que dans d'autres pays. Par exemple, si on pense à l'Allemagne, ils boivent très rarement des bières fortes. Ça représente environ 1% de leur consommation de bière. Et ils disent que les bières ne sont pas suffigues quand elles sont trop fortes. Suffigues voulant dire qu'ils n'ont pas une buvabilité agréable. Une buvabilité pas assez rafraîchissante, genre. Absolument. Okay. C'est ça. Eux sont plus dans la subtilité. Puis il faut qu'une bière, ça ressemble à une baguette de pain. Puis, OK. Il faut que tu en boives des litres et des litres. C'est ça. Tu sais, rien que la baguette, elle commence, mais tu ne sais pas où qu'elle finit. Les Gallois, en général, sont des amateurs de boissons plus alcoolisées. soit des Gallois dans les îles britanniques ou des Gallois dans le secteur continental, on était des gens qui ont développé des produits alcoolisés, soit distillés ou fermentés. C'est la passion des boissons plus alcoolisées que le reste du continent. C'est la recherche de la chaleur aussi. Hein. Oui, ben on retrouve beaucoup de noms de bières dans l'histoire qui ont un peu partout dans le monde, autant en Norvège, dans les pays scandinaves, on a des bières qui portent des noms de dieux mythologiques qui étaient associés soit comme Thor, le dieu de la métallurgie, ou des trucs de... Le feu. T'sais, on a beaucoup d'amateurs de musique métal qui aiment les bières fortes au Québec. Je sais pas c'est quoi le lien, mais... Nous, on a décidé que nos bières fortes allaient être les bières de la cuvée du Forgeron. OK. Donc, pour faire un rappel à la région, d'où l'enclume ici. Très bonne idée. On a notre Barley Wine qui va sortir. Barley Wine / Winter Warmer / Old Ale, parce que c'est probablement toute la même affaire. Historiquement, ces styles-là, c'est des noms qui ont apparu à diverses époques pour identifier des bières qui se ressemblaient beaucoup. Okay. Donc, c'était des noms de commercialisation qui sont devenus des styles. Puis pour les beer geeks aujourd'hui, il y a des nuances d'un nom à l'autre selon la couleur, selon le niveau de sucre, le taux d'alcool. C'est-tu un barley wine américain? C'est-tu un barley wine anglais? Donc, c'est un peu... Mais quelles sont les différences? Parce que moi, j'aime les barley wine classiques, là, mais je connais pas les subtilités. Ben, pour un exemple, les barley wine dits anglais qui ont commencé au 19e siècle avec les brasseries comme chez Bass ou à Burton-on-Trent, qui était une ville reconnue pour ses bières fortes aussi à une certaine époque. C'était des bières qui étaient entre 8 et 12 % d'alcool. Donc, avec un bon sucre résiduel, un petit côté, même des fois caramel brûlé. Rond, là, quand même. Une bonne chaleur d'alcool, une présence d'alcool. Tandis que les Américains, aujourd'hui, font des barley wine qui s'apparentent quasiment à des double IPA. C'est-à-dire, c'est des bières où le houblon explose, c'est beaucoup d'amertume. Puis on sent plus le sucre résiduel à cause de ça. Moi, j'aime moins ça. Moi, je suis plus dans le barley wine, j'aime ça. Bière de Noël, là, une bière qui est le fun. C'est exactement ce qu'on a fait au temps d'une pinte avec le gros marteau. On a hâte de la présenter. OK, elle va être prête quand, ça? Ben, la bière est déjà prête. OK. Mais il manque une bonne maturation. OK. Si on le voit maintenant, c'est déjà une bière intéressante. Mais en décembre, va être plus intéressant encore. Ah, ça, c'est bien. Et la limite qu'a exprimé Alex entre différentes sortes de barley wine, des fois, les beer geeks, comme il a dit, font une différenciation qui n'existe pas à la réalité. La limite, par exemple, pour pouvoir réussir à avoir le niveau d'alcool d'un barley wine anglais, les souches de levure, la sorte de levure, sont plus empruntées avec des levures belges. Si on prend un souche de levure anglaise, si on fait un barley wine, va être un bon barley wine à niveau d'alcool, mais ni le sucre résiduel, ni les esters, ni le caractère épicé va être présent. Le côté très rond, là. Oui, pour charger cet style de bière... C'est pas évident, mais si on fait la comparaison entre un barley wine et un double belge, on va trouver qu'il a dans le barley wine des épices propres de double belge. Mm-hmm. C'est pas une casualité, c'est vraiment que les Anglais ont cherché ces sortes de souches pour complémenter les saveurs de barley wine. Mm-hmm. Merci. On trouve beaucoup de parallèles avec le style barley wine dans d'autres traditions. Et on a des exemples en Allemagne. Par contre, c'est même pas un lien historique ou que les Allemands ont influencé les Anglais. C'est juste que tout le monde, un peu partout, en même temps, cherchait le même type de profil de bière. On a les Doppelbock, les Doppelweizenbock en Allemagne. Quand on parle des Weizen, c'est des bières de blé. Donc, on a aussi, aujourd'hui en Amérique, des wheat wine, qui sont des vins de blé au lieu des vins d'orge, au lieu des barley wine. Le bleu est vraiment au goût du jour présentement, que ce soit dans les petites bières, dans les petites session beer ou dans les bières, dans les IPA, on commence à en voir beaucoup avec des Hopfenweiss qui sont un mélange de bières blanches allemandes et de IPA américaines. On a du bleu partout. Ben, fait là, c'est ça la mode, parce que là, une couple de temps, c'est juste la IPA là, qui était, il me semble, c'était la mode. C'est ça. Ben, la IPA a passé par toutes les influences. Puis là, présentement, on voit des gens aller vers les houblons de Nouvelle-Zélande et tout. C'est toujours le houblon qui est l'ingrédient premier. Ouais. Mais le corps de l'IPA a changé souvent. On a vu au Québec des bières caramélisées, rousses. Mais après ça, on a vu des bières dorées, des pale ale ou très houblonnées. Après ça, on a vu des... présentement, on voit des bières qui sont carrément des bières blanches, houblonnées. Donc, puis moi, je pense que la tendance qu'il va avoir cet hiver, on va voir beaucoup de ça, des Hopfenweiss, des wheat wine, des bières, des double wheat beer, des doubles blanches. On entend souvent le mot double ou impérial. C'est des bières qui vont sortir beaucoup cet hiver, là, des impériales bières blanches. Des niveaux d'alcool assez élevés quand même. Oui, puis toujours, vu qu'on est vraiment là, dans la période américaine de la bière, ça va être beaucoup de houblon, puis on va entendre les mots impérial puis double à profusion. Là. Et puis triple, ça, parce que moi j'aime bien la triple belge, là, j'en ai bu beaucoup lors de voyages en Belgique. Oui, ouais, la triple belge, c'est un style que de prédilection de Gustavo aussi. Ah ben, on s'entendrait bien. Ça, est-ce que vous avez intention peut-être d'en faire une triple belge? On a déjà prêt. OK. On attend simplement la libération d'un pompe au Labranger. OK. On vient de développer, de fabriquer un triple belge double IPA. OK. Alors, c'est... C'est un amalgame triple belge double IPA. Et double IPA. OK. La question sémantique, quand on dit impérial ou double, oui. Vraiment, des fois on se trompe, des fois c'est pas facile de définir si quand on dit double, parce que c'est un double belge ou un triple belge, on parle de deux fermentations, trois fermentations, mm-hmm. ou deux fois ou trois fois la tasse d'alcool nominale, mm-hmm. habituelle. Alors, c'est pas clair quelle est l'origine de double ou triple, parce qu'il y a différentes théories par rapport à ça. Ouais, actuellement, quand on dit double IPA, implique aussi avoir plus d'alcool et plus d'amertume, pour que la bière accompagne ce niveau d'amertume. Si on met un gros amertume dans un IPA de 4 degrés d'alcool, c'est pas vraiment agréable. Ouais. Mais pour l'équilibre, là, ouais. Pour l'équilibre, on utilise ces mots, mais des fois, sont superposés les deux mots. Et quand on dit double Belgian, triple Belgian, double IPA, on est en train de dire que c'est une bière de 9,5 d'alcool et avec un houblonnage propre d'un triple IPA. Alors, on pourrait dire aussi triple Belgian, triple IPA, mais la définition s'échappe un peu, c'est plus compliqué encore. Mm-hmm. Mais notre bière, c'est une bière assez ronde. Et on a choisi de développer des bières rondes. Et quand on a fait la Rush Tank, qui était vraiment un pils houblonné comme un double IPA, et pour ne pas faire tromper le public, on n'a pas dit pils double IPA, c'est trop. Mm-hmm. Oui, mais c'est parce que là, c'est des doubles, des triples, des cibles. Absolument. Puis les gens à Navus, nous, on triple double IPA, c'est que les bières belges, les triples belges, les Belges, quand ils ont vu les Américains commencer à houblonner toutes les bières, eux autres, ils sont expérimentales beaucoup, eux autres aussi. Fait qu'ils ont emboîté le pas, puis ils se sont mis on houblonne nos bières, on les fait vieillir en barrique, on a des bières sûres déjà, on les houblonne. Fait que là, ça a donné plein de sortes d'hybrides. Puis on a vu la brasserie La Chouffe avec le petit lutin que tout le monde connaît parce qu'on en a à la sac ici au Québec depuis longtemps. Mm-hmm. Cette bière-là, ils ont fait une version qui était la première triple double IPA. Donc, ils ont fait la triple puis ils l'ont houblonnée fortement. Puis nous, on s'est inspiré de cette bière-là parce qu'on trouvait que c'était un nectar délicieux. Une bonne idée, ouais, c'est ça. puis parlant de nectar délicieux, qu'est-ce qu'on boit en ce moment? On pourrait-tu en jaser justement puis se faire un petit chin? Là. Attends un peu, on va faire ça. Chin-chin. Pas trop dessus des machines. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on boit en ce moment? Ben là, présentement, on boit l'Enclume, qui est notre Porter Baltique. C'est la première bière qu'on a sortie. On brassait à ce moment-là, on brassait pas encore chez nous. Puis après ça, on en a refait un autre brassin dans nos équipements, qui est tout aussi délicieux. C'est des bières... Porter Baltique, c'est un synonyme d'Imperial Stout, historiquement. Okay. C'est des bières que l'impératrice Catherine de Russie demandait à une brasserie en Angleterre, ouais. qui était Anchor Brewery. Donc, ils envoyaient des bières fortes. Il y en a qui vont dire que c'était parce que, pour toffer le voyage, les bières étaient plus fortes à l'alcool. Puis il y en a d'autres qui disent qu'en fait, c'est seulement... pour satisfaire. C'était seulement parce que les Russes aimaient les bières fortes qui se faisaient à ce moment-là en Angleterre. Donc, il y a d'autres bières, par contre, qui sont disparues. La Russie a bloqué l'importation de toutes les produits alcooliques, sauf le porter qui était à ce moment-là. Le mot stout n'existait pas vraiment dans les appellations de style à ce moment-là. Puis aussi, moi, vous allez peut-être me tromper, vous êtes des connaisseurs, mais Porter aussi, c'était pour les gens qui travaillaient sur les ports, puis qui se maintenaient, ils buvaient ça toute la journée. Moi, ils appelaient ça un entire, c'était une bière à... Qui les nourrissait, finalement. Ils voyaient ça comme un repas, c'était le pain des ouvriers, si on veut. Le Porter, c'était une bière de travailleurs. Mm-hmm. C'était, on avait des versions session où on avait des petits Porters à 4-5% qui devaient être des bières plus acidulées que ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis... par la suite, on a vu des double porters dans l'histoire des. Puis, une année, les gens ont fait des porters plus robustes, plus amers, plus forts en alcool. Oui. On a vu le mot porter stout arriver quelque part dans l'histoire. Stout, qui est un mot dans la langue ancienne anglaise qui veut dire robuste. OK. Donc, stout veut juste dire plus fort, un porter plus fort. Puis, historiquement, avec Guinness qui a brassé un stout, les styles se sont séparés. Puis aujourd'hui, on associe plus les stouts au café, à une saveur de café, puis les porters à une saveur de chocolat. Donc, par contre, on peut trouver des notes de café dans un porter et vice-versa, selon les interprétations. Puis ici, notre porter baltique, c'est quand on fait un porter baltique, puis qu'on le laisse vieillir, comme on a fait, on a attendu... un mois et demi environ avant de commencer à la servir. Là, on a une bière qui a peut-être deux mois et demi, trois mois ici. Donc, à prendre de la complexité, il y a des saveurs de fruits confits, de mûres, de prunes qui vont se développer. Mm-hmm. Il y a une petite touche lactique. Gustavo pourrait vous dire un petit peu plus pourquoi on a ce petit côté-là qui embarque dans la bière. Et puis, à combien elle figure d'alcool, cette bière? Au début, parce qu'on a mis de lactose en dedans. Oui. La lactose, c'est un sucre demi-fermentescible. Et selon la façon de brasser, peut-être un sucre non fermentescible. Un peu comme la vache folle faisait. Hein? Oui, mais c'est exactement la même chose. Oui, oui. La différence, c'est que si on... pas la différence avec la vache folle, sinon la différence, si on met en lactose... Et à la dernière minute de brassage, c'est un sucre non fermentescible, il va rester toujours de la même façon. Okay. Si on le laisse demi-fermentescible qu'on a brassé 20 minutes ou plus avec le lactose en dedans, il a une proportion que c'est fermentescible et l'autre proportion non. Ça fait que la bière soit une bière évolutive, qu'au moment de sortir la bière, c'est plus sucré. Mais à mesure que la lactose commence à se fermenter, donne un sous-produit qui sont des esters de style pruneau, de style raisin. Et alors maintenant, on trouve un réglisse, on trouve une touche à Coca-Cola. Okay. Touche vraiment à réglisse, anis, caramel, et tout ça, qui n'était pas présent au début. Et la première version qu'on avait brassée, on a brassé à notre microbrasserie en utilisant ces installations qui l'ont brassé, notre recette. Et on a vu que 6 mois, 8 mois après, et les résultats étaient différents. Alors on a décidé maintenant de garder certains barils pour faire une expérience. Des brassins spéciales. Des brassins spéciales, parce que c'est ça le mauvais côté d'être neuf dans le marché. Et c'est qu'on ne peut pas boire une bière d'il y a une année. Alors on a commencé à garder des stocks... Pour goûter avec nos clients en quelques mois. Il y a vraiment plein de techniques de brassage, de méthodes de brassage, puis d'ingrédients, de façon de faire pour atteindre des niveaux d'alcool supérieurs. Il y a le conditionnement en fût ayant contenu d'autres spiritueux, comme le l'emploi de chêne, de fût de chêne. Le fût de chêne ayant contenu du whisky, du bourbon, etc. Et puis, on a d'autres façons aussi d'atteindre des niveaux d'alcool supérieurs. On avait une façon en Allemagne traditionnelle pour le Eisbock. Oui. Donc, qui ressemble très gros en anglais à Eisbock. C'est donc un bock qui est déjà une bière forte en Allemagne, de glace. Donc, Gustavo peut vous expliquer un peu comment... Le principe, c'est assez intéressant. J'aimerais ça. Je connais un peu, mais ça serait intéressant d'apprendre le principe et de l'apprendre aux auditeurs. De façon quotidienne, entre les brasseurs, on appelle ça une distillation en froid. C'est pas une distillation, pas du tout, parce qu'en distillation, il faut avoir la chaleur. Mais ça qu'on fait, c'est donner une quantité de froid progressive. Et pour les donner le temps à se séparer la phase aqueuse de la phase alcoolisée et avoir juste, il commence à avoir une sorte de neige flottant sur la bière. Et dans la première étape, ce neige, il a la couleur originale de la bière, mais okay. tranquillement, il commence à perdre la couleur. Et de façon visuelle, quand on trouve qu'il y a plus de solide dans la glace, on arrête cette étape-là. Et avec ça, on sépare les liquides alcoolisés. Et tous les sucres et tout l'alcool et tous les flavors de la bière sont dans la bière qui est restée en bas. Et elle a tranquillement en 25 ou 30% de produits qui s'est gelé. Et ces 30%, c'est le pourcentage qui a monté l'alcool de la bière. Alors, si on a brassé une bière avec des levures fortes, capables d'arriver à 10 degrés d'alcool, et avec ce travail-là, on peut monter tranquillement à 15-16% d'alcool, et que serait presque impossible. Normalement. Alors. Normalement. Oui. Donc, on garde là, ce qui ne gèle pas, en plus, un peu, là, c'est un peu ça. Ouais, c'est... Le caractère, c'est... même si c'est tellement alcoolisé, le caractère est huileux. Oui, c'est on ça. On le sent en bouche. Comme... Quand on a la chance d'être là pendant à la fin d'un icebox, on arrive dans la cuve et on a une sorte de barboteuse ou de popsicle de bière. Là, ouais, c'est du gros sucre, un sirop presque. Hein? Oui, c'est intéressant de goûter à ça. Puis sinon, pour faire une petite énumération des styles de bière forte que les gens peuvent boire un petit peu partout au Québec. Au Québec, oui. Puis je vais juste vous nommer des styles avant qu'on peut retrouver. Les Barley Wine, Winter Warmer, les Old Ale, les Scotch Ale, les Porter Baltic, les Imperial Russian Stout, les Strong Golden, les XXXL. Ça, c'est tout, les Double Stout. Ça, c'est tout des bières anglaises. Mais ça, on c'est... dirait que vous avez fait l'émission pour moi aujourd'hui parce que moi, je suis vraiment amateur de bière, mais vraiment des bières fortes. Tu me verras presque jamais boire une bière à 5%. Tu dois boire beaucoup de bières britanniques parce que c'est les Scotch Ale et tout, tout ce que je viens de nommer. C'est vraiment l'Angleterre, le royaume des bières fortes là, en frais de variété. Okay. Sinon, en Belgique, on retrouve toutes les bières trappistes, toutes les doubles, triples, quadruples. On a aussi un style qui est moins connu, qui est la blonde du diable, qui va ressembler beaucoup au triple. Ah, ça, je connaissais mais pas. Mais un peu moins de sucre résiduel. Ensuite, on a en Allemagne les Bock, qui sont toutes les bières fortes. Donc, Doppelbock, Weizenbock, Eisbock, Doppelweizenbock. J'aime bien ça aussi. Les Bock, j'aime bien. On a souvent dans les bières anglaises, les bières allemandes, Weizen, on a souvent le côté banane, le côté bleu, clou de girofle, qui fait penser à une brioche. Là, nous, on appelle ça des bières de brunch. Oui, c'est ça, un gâteau aux épices, là, pain d'épices un peu. Oh, c'est les bières parfaites. Moi, je pense qu'on va en avoir beaucoup cette année au Québec. Excellent. On a des bonnes interprétations en région. Des Doppelweizenbock, par exemple, on a la Weissgrip au Trou du Diable, oui. qui est très bonne. On l'a eu sur les pompes au Tannenpoint. Mm-hmm. J'espère que c'est un produit qui va revenir. Qui va revenir. Et puis, on va assurément brasser aussi un Weizenbock ou quelque chose. On va s'aventurer là-dedans. Très bonne idée. Et on vient d'avoir une discussion il y a deux jours avec Alex et par rapport à la façon de nommer. Oui. Je viens de voir la Occulte de Brasseur du Monde, oui. qui c'est une excellente bière qui, à mon avis, se ressemble plus à un barley wine. Et la bouteille dit Weizenbock. Okay. Alors, oui, il a de blé, mais c'est sucré. Et établir la limite de quand c'est un barley wine et quand c'est un Weizenbock. Et si suivre la question geek. Et ressembler à un intellectuel de la bière, ou être sincère et reconnaître que la limite, c'est flou, vraiment. Mais est-ce qu'il y a de l'orge quand même dans ces bières-là? Parce que barley wine, c'est absolument de l'orge là, que ça oui, prend. Oui, il a de l'orge. Okay. Mais la question, c'est si on est capable, parce qu'il ne faut pas donner une désillusion à la personne qui a pris la bouteille. Parce que si Alex m'a dit, j'ai pris la bouteille de l'Occulte, il dit Weizenbock. Je m'attends à Weizenbock. Et le produit peut être génial, mais c'est ça ou non. Tout à fait. Et il n'a pas aucune façon de représenter tous les avis dans le même nom. Parce que vraiment, il faudrait enlever tous les noms des produits et commencer de zéro de nouveau et établir un autre paramètre. Mais déjà, mais c'est ça, mais il y a tellement. Je le disais à Alex mardi quand je l'ai vu. Puis moi, je le disais pour rire, mais il me disait que ça s'était fait. Tu sais, je trouvais tellement qu'il y avait d'hybride qu'on était à veille de faire une noire qui est blanche, là, tu sais. Pour vrai, une noire blanche. Il me disait, c'est en train de. Il y en a qui l'essayent en ce moment. On ça fait une grise, là. On a des hybrides aussi, ça, on pourra en parler. Il y a des styles style de bière forte hybride aussi. On a les ben, comme nous, on a fait la triple double IPA, donc oui. C'est vraiment un mélange de genres. Mm-hmm. On a aussi, on a vu des Imperial Wild IPA, donc c'est des bières sûres. Okay. Ça, on a vu ça au Vermont sortir beaucoup. Ils sont assez originales aux États-Unis. Le Vermont et le Québec, on est reconnu comme un territoire pour les amateurs de bières présentement. Excellent. Avec le Japon et la Norvège, et on est des pays qui explorent vraiment de choses. Ouais. Là. Puis on a une belle qualité. Des bons résultats, ouais. On a des très bonnes micros, là. On n'a pas envié personne en ce moment, là. Ah, vraiment pas. Ça se passe très bien au Québec. D'ailleurs, même des fois, je trouve ça très drôle de voir des gens qui consomment des porters baltiques ou Imperial Stout vieillis en fût de chêne mouillé qui viennent de Californie. Qui n'ont pas la qualité de certaines ici, mm-hmm. mais à cause de la touche exotique, ils vont payer 50$ pour quelque chose qui se vend aux pompes à 7$ le verre ici. Puis, nous, on aime dire au Talonpen qu'il y a une bière pour chaque moment. Puis Gustavo, quand il nous parlait de sa recette de barley wine, il disait, moi, ben, c'est la bière que j'ai envie de boire en flattant mon Saint-Bernard. Mon Saint-Bernard. Face à la cheminée. Exact. Tout à fait. Les bières fortes, c'est des bières de dégustation. On en a des bonnes interprétations au Québec. On parle des brasseurs du monde. Ils ont élaboré des liqueurs de malt, donc ils ne peuvent plus appeler bière parce qu'ils sont trop fortes en alcool. C'est ils ont deux produits de spécialité qui titrent à peu près 20% d'alcool. Okay. Donc, des bières à essayer aussi. Dans le domaine, on appelle ça quand même des bières. Là, c'est ce que j'avais lu un moment donné. Ça ne pas d'infleur du thème. Comment? Parce que un moment donné, j'avais lu un truc. Il semble-t-il, les lois ici, après 12%, c'est même plus une bière. Là. C'est ça? Je pense que c'est 11,9. Ben, c'est puis... ça. C'est pour ça, à 12, t'es plus une bière, genre. Ouais. Vous autres, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, nous, on trouve que ça goûte la bière. C'est vrai. Drôles de... Ils permettent à du monde d'écrire bière sur des choses qui goûtent vraiment pas la bière, des fois. Il y a beaucoup d'indépendants de ça. Établir la limite de quand est-ce qu'ils changent les taxes ou quand est-ce qu'ils changent quelque chose de bureaucratique, mais c'est pas la limite. Ici, à la SAQ, vous pouvez trouver la Sammy Klaus. 14 degrés d'alcool. Okay. Écrive liqueur de malt. Liqueur de malt. Alors, chaque pays a sa façon d'interpréter ces différences. Ce qu'on boit en ce moment, c'est combien de pourcentage d'alcool? 7,7. Oh, quand même, hein? Maintenant, peut-être, il a monté à 8. Il a monté à 8 pour ces changements-là qui s'est produit avec la lactose. La lactose qui a continué à évoluer. C'est bien qu'on prend maintenant. Il a resté 2 mois à l'extérieur de la chambre froide à température de la pièce pour lui donner l'opportunité de continuer cette évolution. D'évoluer, ouais. Et on a comparé les produits qui a resté dans le froid. On fait la pasteurisation d'aucun produit. Alors, ce ne sont pas pasteurisés nos produits, ne sont pas filtrés. Ils continuent à vivre et à évoluer. Dans la chambre froide, pas beaucoup. Okay. L'évolution dans la chambre froide, la courbe de maturation dans la chambre froide, c'est presque nul. Okay. Un produit qui a évolué jusqu'au moment qu'on l'a mis là, et l'évolution qui demanderait une année et demie dans la chambre froide, ça demande 2 mois à l'extérieur de la chambre. Okay. Et ça change. Donc, si vous voulez la laisser évoluer, vous la laissez à température pièce et puis c'est comme ça qu'elle va évoluer. Température de la pièce, on dit quand on parle de 18 degrés. OK. Parce que c'est un petit peu plus frais que... Parce qu'établir la pièce comme vraiment... À 20-22... On n'est pas spontané vraiment. Quand on dit température de la pièce, c'est une température de la pièce pas mal réglée. Frais. On se trouve... frais. Quand même assez c'est frais. C'est la cave, oui. Ouais. Hey, c'est merveilleux. J'aime ça. Wow. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Les produits, justement, qui s'en viennent, là, extraordinaires, qui sont en développement, pas ce qui est déjà fini. Là. Y a-t-il quelque chose qui est en développement en ce moment? Oud brune. Comment? La oud brune. Une oud brune, ça s'apparente à la rouge des Flandres. On connaît en Belgique, ils vont dire souvent la vieille brune. Okay. Donc, la oud brune, c'est une bière brune oxydée. Okay. Donc, sour, si on veut, acidulée, qui va avoir un petit côté biscuit. Mais un petit côté sour. Ah ouais, tu... Puis, c'est intriguant, sérieux. Puis nous, dans notre idée de la cuvée du Forgeron, ça nous prenait une bière métallique qui goûte cuivré. Iodé. Puis le style Oud Brune pour les amateurs de sour, qui est un autre truc qui pourrait faire une chronique à Nathier. Tout à fait. Présentement, c'est la Oud Brune, c'est l'équivalent de la Rouge de Flandre ou de la Vieille Brune. C'est une bière qui s'appelle. On a déjà donné un nom, ça va être la Vieille Forge. Génial. Donc, la Vieille Forge va être notre bière de Trois-Rivières. Gustavo a plein d'idées sur la façon de reproduire un produit qui est supposé d'être une bière vieillie. Donc, quand il disait qu'on trouve ça plate de ne pas pouvoir créer de bière puis d'attendre. À long terme, là. On veut pas attendre. On a trouvé des façons de faire une bière qui va avoir le profil d'une bière qui a peut-être 6-7 mois, mais okay. qui va nous amener un petit peu moins. On dit les commandes, on les garde. Bon, non, non, mais les secrets de brasseurs, c'est drôle. Il n'y en a pas souvent, puis finalement, c'est pas un secret pour les autres brasseurs. C'est comme c'est un secret pour les... Secret de polychinelle, ouais. Comme on dit. Ma barley wine, pas la winter warmer qu'on a fait pour Saint-Noël, la barley wine que j'ai fait la plupart des fois, était un barley wine qui est un blend d'un old ale, un pale ale gardé 2 ans et un barley wine neuf. Et le mélange des deux les donne le caractère vieux, oxydé. Ah oh, oui. Et à niveau des bières sauvages, quand on met des Brettanomyces, quand on met des bactéries lactiques, et on risque de faire une contamination croisée, que toutes les bières commencent à goûter ça. Oh, ouais, on a vécu déjà au Québec ici, à une microbrasserie excellente, qu'il a changé son embouteilleuse parce qu'il n'a pas réussi à vraiment nettoyer tout de nouveau tout. Après avoir embouteillé en bret. Et c'est vraiment compliqué. Et donc, on va faire une proportion partielle de notre brassage de façon sauvage et on va les mélanger avec le reste. La même chose pour la Oud Brune. On va préparer une bière ale classique avec toutes les caractéristiques des grains d'un oud. Et on va séparer dans notre secteur de la brasserie en proportion qui va être... entre guillemets, contaminé. Retravaillé, exactement. Retravaillé avec le reste des bactéries. Vous savez de ce que vous faites. C'est merveilleux. Il y a de plus en plus de brasseurs qui sont... on avait beaucoup d'artisans au Québec dans les années 90. Mm-hmm. Ils ont été chercher de la formation, ils se sont spécialisés. Puis comme je disais, on n'a rien à envier des fois du monde ailleurs dans le monde présentement parce que on voit des brasseurs belges emboîter le pas d'aller chercher des connaissances plus scientifiques parce qu'ils avaient la tradition de répéter leur... toujours la même recette. Même processus. Là. Puis oui. Des fois, ça arrivait qu'il y avait une bière qui était dite malade. Mm-hmm. Donc, ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Puis ils cherchaient pas vraiment à savoir. Puis aujourd'hui, on a de plus en plus de brasseurs qui s'intéressent aux questions techniques. Puis ça reste un art parce qu'on est en train de créer puis on pense à des saveurs. On trouve des façons de les atteindre puis s'assurer que le produit à la fin est de qualité. Donc, des fois, les gens disent « Ah, ça devait être bon, la bière dans le temps. » Non, la bière aujourd'hui est beaucoup meilleure qu'à ce qu'elle devait être. On sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Les malteries se sont perfectionnées. Toute la chaîne de production puis de transformation est à son apogée, je dirais. Puis vous, qu'est-ce que vous pensez des produits, justement, de plus en plus, il y en a qui travaillent avec les produits uniquement québécois. Est-ce que vous avez commencé ça? Est-ce que vous avez l'idée de faire ça? Est-ce que... Tu as touché une question sensible. Ben, c'est correct, je suis là pour ça. La question, c'est que comme nous venons de démarrer notre brasserie, mm-hmm. et prendre le risque... Et dans les matières premières, mm-hmm. et il va ressembler que s'il avait un problème, serait notre problème. Mm-hmm. Mais on a essayé des maltes québécois, et dans les vastes batch tests, il a bien fonctionné. On a essayé des soublons québécois aussi, mais il a un manquant de confiance encore. Et pour peut-être une constance de la production. Une constance de qualité et de certains critères d'application, parce que le Québec... Même chose qu'il est arrivé en Australie, Nouvelle-Zélande, l'Argentine, mm-hmm. Chili. Le houblon se développe surtout sur les parallèles 42 de n'importe quel hémisphère. Okay. Alors, dans l'hémisphère nord, on parle de Hollande, Belgique, dans l'hémisphère de nord des États-Unis. Mm-hmm. Ici, nous sommes en parallèle 45, alors c'est presque la limite. Mm-hmm. Mais c'est quand même dans les limites où le houblon se développe bien. Mais le problème, c'est que les brasseries industrielles ont abusé des producteurs de houblon. Les producteurs de houblon ont abandonné la culture de houblon, ont commencé à développer les petits fruits, mm-hmm. les framboises, les fraises et tout ça. Mm-hmm. Ils ont abandonné le houblon de 1970 jusqu'à maintenant. Ah oui. Et maintenant, la vague, le développement de la vague de microbrasseries a fait que la demande de houblon a augmenté. Alors, retourner à la culture de houblon, c'est une bonne idée maintenant. Mm-hmm. Mais à l'époque, ils ont abandonné la culture de houblon au Québec. Et les sortes de houblon n'étaient pas tellement diverses comme maintenant. Alors, okay. trouver la nouvelle mode des houblons, il demande de l'investissement, de l'énergie, de vraiment... C'est une nouvelle culture pour la plupart des gens ici. Même les nouveaux exploitants agricoles, ils n'en ont pas fait justement dans les années 70. Là. C'est une nouvelle génération. Ils apprennent eux aussi à le faire sûrement. Oui, puis ils apprennent au bon moment parce que le client, le houblon, il en veut. Puis... Le houblon, c'est tellement... Présentement, on a les houblons américains, les houblons néo-zélandais qui ont apporté des explosions de fruits tropicaux. De saveurs, oui, exact. De saveurs que les gens boivent comme du jus oasis présentement. Mm-hmm. Puis quand on a fait pousser ces mêmes souches-là de houblons au Québec, on est tombé plus sur des saveurs terreuses qui rappelaient les houblons des vieux continents. OK. Donc... C'est pas ce qui était à la mode. Finalement, c'est ça. C'est peut-être là où que c'est le jour où que la clientèle va se tourner vers les saveurs qui se dégagent comme les mâles québécois vont goûter le raisin. Donc, si quelqu'un met l'accent sur les saveurs en faisant une bière qui est vineuse avec des houblons terreux, ben là, on va avoir un produit typiquement québécois. Ça va marcher, ça va être intéressant, puis ça va peut-être devenir quelque chose au goût du jour. Mais présentement, les gens essayent de reproduire des IPA américaines avec des ingrédients québécois. C'est peut-être là qu'il y a une dichotomie qui ne marche pas. L'explosion en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est pour la participation gouvernementale. L'argent des universités, l'argent du gouvernement pour développer un nouveau produit. Okay. Il y a des choses qu'un fermier ne peut pas faire chez lui. Mm-hmm. Faire une analyse de ces houblons, une analyse génétique, faire un diploïde, un triploïde, un tétraploïde des houblons, combiner entre eux, voir les résultats de façon rapide. Lui, il faut qu'il produise le fermier, c'est ça. Mais si le fermier produit un houblon, me donne le houblon, je dois le tester, voir comment a fonctionné, attendre l'année suivante, mm-hmm. et faire tout ça, c'est long. Oh, oui. L'Australie et la Nouvelle-Zélande l'ont développé à 3, 4, 5 ans, rapidement, pour la participation du gouvernement dans la recherche. Le gouvernement ou de l'argent qui est subventionné de quelque façon. Mais maintenant, sont des exportateurs de houblon en masse, alors ça donne l'idée que cet argent, il a un retour évident. Ce n'est pas de l'argent perdu, l'argent mis en développement. Mais je pense que le monde a abandonné un peu ces critères-là, mais ce n'est pas perdu. Au Canada, avec qui est-ce qui nous dirige, ils ont un peu oublié ça, le développement. Ouais. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, il y a à peu près trois malteries qui fournissent les grosses brasseries canadiennes. Mm-hmm. Puis présentement, on en a vu deux malteries au Québec. Puis il y en a peut-être un projet d'une troisième petite malterie. Donc, ça aussi, ça commence à naître. Les houblonnières aussi. On en avait dans le temps. Mm-hmm. Si on remonte, je pense, au 17e siècle au Québec ou au 18e, il y avait les frères Hart et leur père qui ont parti une brasserie la à Port-Rivière. La rue Hart, là, ici, exactement. Absolument. C'était des gens qui s'étaient installés à Trois-Rivières qui ont été... Des Écossais, je pense, eux autres aussi, ou des Anglais. En tout cas, mais je sais que c'est quelque chose de genre, ouais. Puis, ils ont travaillé dans le domaine de la bière autant que dans la politique. Il y avait une malterie, il y avait une houblonnière, puis il y avait une brasserie. Donc, il y avait la rue du Haut-Bac où il y avait la houblonnière, il y avait la rue Sainte-Élisabeth où il y avait une malterie, puis où il y a le parc des Sœurs, je crois, en face des Ursulines, il y avait la brasserie, là. C'était vraiment... Ça fait très longtemps. On avait tout le kit. On avait tout ce qu'il faut à côté. Au on avait des brasseurs. Ils appelaient ça des brasseurs. Ah, OK. Ah, ouais. Puis là, une manière, on s'est ramassé avec juste des brasseurs. Puis là, on commence à en avoir des brasseurs. C'est une bonne chose. Au niveau de participation scientifique, on a un partenariat avec le Technocentre de Trois-Rivières. Oui. Où on développe là nos souches de levure. Et on a utilisé dans deux de nos bières une mutation de levure déjà existante. Alors on a muté de levure et les biochimistes qui travaillent là, Jean-Philippe Chanel, nous a aidé beaucoup dans ce développement-là. Et hier, on a branché à la pompe la Citra. La Citra, c'est un houblon. On a fait l'Aiguin, c'est un IPA à l'est, avec les graines typiques des IPA anglaises, mais houblonnées à la façon de Nouveau Monde. On a mis des houblons, on a fait une rotation des houblons de Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Maintenant, a été la première fois qu'on a mis juste un houblon des États-Unis, que c'est le citra. Oui. Et Jean-Philippe m'a dit, ben, moi, j'aime le profil de citra, mais il a un côté ammoniaque final qui m'a toujours... je l'ai trouvé dégueulasse, ce côté de citra, mm-hmm. Et c'est la première fois que je trouve qu'il n'existait pas là. Okay. Dites-moi, qu'est-ce que tu as fait? Okay. Alors, il a pris son petit papier, dites-moi, qu'est-ce qui a changé là-bas? Je dis, bon, je ne sais pas vraiment quel est l'alpha-acide ou bêta-acide ou quoi qu'il a changé là, mais je l'ai fait comme ça, comme ça, comme ça. Je lui ai donné l'information de quel moment, à quelle température, le dry hopping et tout ça. Il me dit, OK, c'est là, la polymérisation s'est produite. Alors, à son niveau, il a compris qu'est-ce qu'il a passé là. Mais ces sortes de feedback, c'est génial, parce que je comprends que quoi des affaires que je fais, c'est important pour la qualité des produits. Mm-hmm. Et pour le producteur de blond, c'est important aussi, c'est sorte d'avoir ce feedback-là. Maintenant, on va commencer tranquillement à utiliser ces produits. Je pense qu'on a, depuis 20 brassages ici à notre brasserie, on est capable de commencer à développer de nouveaux produits et être pas responsable si on arrive à un produit pas tellement bon comme l'antérieur, que soit considéré un produit expérimental et on va participer de cette évolution. Mm-hmm. Pour terminer, si je peux faire quelques suggestions de bières fortes au Québec ou de brasseries plutôt qui font des bières fortes. En bouteille, on a toujours une Hibrou qui a donné un peu le coup d'envoi à cette Hibrou. C'est pas mal, oui. C'est avec des superbes de bonnes bières que Gustavo buvait en Argentine déjà il y a longtemps. Ah oui, déjà, c'est vrai, ça. Et puis, on a les Brasseurs du Monde, comme je disais tantôt, qui en ont fait quelques-unes. Les Brasseurs du Temps à Gatineau se spécialisent là-dedans avec mm-hmm. le Dom Dominator et autres bières. Dieu du Ciel qui en a des très bonnes aussi. Le Trou du Diable de Shawinigan avec leurs produits conditionnés, tout leur pays, leurs produits vieillis. Qui ont des bières de spécialité comme l'Impératrice. La Buteuse. La Dulce Succubus. Des bons produits qui se font un petit peu partout au Québec. Si on parle vraiment de pub, pour les gens qui aiment aller directement dans un pub, courir les boire, on a l'Albion à Joliette qui fête son quatrième anniversaire le 29 janvier, qui vont nous sortir des produits de spécialité aussi. Habituellement, ils vont dans les bières fortes anglaises, là, les Imperial Russian Stout et tout le kit. On a les Trois Mousquetaires avec leur Porter Baltique qui ressemble un petit peu au nôtre, un petit peu plus fort en alcool, un peu plus américanisé, je dirais. Plus sucré, peut-être. Ouais. Peut-être plus sucré. Mais ça, c'est une autre affaire. L'amour québécois pour les interprétations sucrées de ce style. On a toujours la doute si suivre le style quand on fait en bière européen, si suivre le style à la façon originale ou l'interprétation locale. C'est encore en question. On est des bébites à sucre puis des bébites à bière forte aussi. Exact, on aime l'alcool. Puis c'est moi, je disais, j'expliquais à quelqu'un qui ne tripe pas bière forte. C'est parce que quand même si j'aime ça, j'aime l'effet que ça me fait aussi. Tu sais, la bière, on la boit pas juste pour le goût. Là, on aime ça aussi, l'effet. T'sais. Ben oui, ça prend un petit réconfort. Ben oui, exactement. C'est une petite euphorie intéressante. Là, hey, merci beaucoup, les gars. Ça fait vraiment plaisir. On a hâte. Là, c'est... Ben, moi, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Ça fait quasiment une heure qu'on jase, les gars. Ah, ben, tabarouette. C'est génial. Okay. Ben, gars, c'est parce que c'est intéressant. Rappel, le temps d'une pinte, l'adresse. Le temps d'une pinte, 1465 rue Notre-Dame-Centre. On est juste à côté de l'information touristique. Ouais. Venez nous voir. Excellent. Puis il y a de la bonne bouffe en plus. Oui, en plus du bon café aussi. Excellent. Hey, merci, Gustavo. Merci, Alex. On se rejase jeudi. Oui, prochaine semaine. Yes.